Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les populations voyageuses pendant la Seconde Guerre mondiale, histoire d'une persécution. Décret interdisant la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain. Le Conseil des ministres décrète, article 1, la circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre. Article 2, les nomades, c'est-à-dire toute personne réputée telle dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1912, sont astreints à se présenter dans les 15 jours qui suivront la publication du présent décret à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police, le plus voisin du lieu où il se trouve. Ce décret date du 6 avril 1940. 6 avril 1940, la guerre n'est pas terminée, les Allemands ne sont pas là. La persécution des nomades s'inscrit dans une longue histoire d'exclusion. Hilsen Abboud, bonjour. Je viens de lire ce décret du 6 avril 1940 qui fait référence à une loi, la loi du 16 juillet 1912. Quelle est cette loi ? Alors cette loi s'inscrit au terme d'un processus d'une vingtaine d'années au moins, durant lesquelles les médias, les politiques, les institutions françaises vont entreprendre de délimiter une catégorie et ethnique qui prendra l'appellation de nomade. Donc les préfectures organisent un recensement en 1895. Les brigades régionales de police mobile instaurées par Célestin Hélion auprès de la Sûreté entreprennent des fichages en masse dès 1908. Puis s'engage une discussion parlementaire qui va aboutir au vote de cette loi. Alors cette loi, elle crée artificiellement une catégorie nomade en reprenant un terme qui permet, c'est un artifice, qui permet sur le sol français de développer une législation raciale qui s'intègre pourtant dans les termes de la Constitution. La Constitution qui interdit toute dénomination raciale et maintient l'égalité entre les citoyens. Donc là, on a une loi qui crée cette catégorie et importe sur le sol métropolitain un vocabulaire, il faut rappeler, colonial. Hein, parce que, en fait, la colonisation, au XIXe siècle, prétend s'imposer sur des territoires vierges, avec des populations déstructurées, archaïques, barbares, dont on peut exproprier les territoires. Donc en important cette catégorie sur le sol métropolitain, on crée une population illégitime. Illégitime dans le sens où elle ne peut pas demeurer légalement sur le sol du territoire. Alors c'est le produit d'une campagne médiatique, mais aussi de nombreux stéréotypes qui ont accompagné la définition de ces populations, Roms, Sinti, Gitanes, qui sont extrêmement diverses, mais qui vont être l'objet d'une haine spécifique, d'une xénophobie qu'on appelle l'antiziganisme, qui d'ailleurs a une présence européenne. Hein, donc la loi de 1912 s'inscrit dans un cadre qui est celui de l'avènement de la question de Zigane en Europe et en particulier en France. Oui, parce qu'il ne faut pas se contenter de regarder la France, c'est un phénomène européen. Et Hilsen Abboud, vous l'avez évoqué, il y a plein de mots. Alors le mot nomade, c'est le mot qui est repris par la loi pour couvrir une catégorie de population. Comment la loi définit ces nomades ? Qui est nomade ? Alors, sont nomades les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Le décret d'application de la loi de 1912 est très clair. Il est question de désigner les bohémiens, les romanichels, les personnes vivant en roulotte. D'ailleurs, à partir du vote de la loi et de la promulgation du décret, ce sont les gendarmes qui vont aller chercher, à la suite de rafles, d'arrestations arbitraires, les personnes qu'ils jugent correspondre à cette catégorie. Oui. Et dans le cas français, nous avons tout ce vocabulaire. Alors, ce vocabulaire est extrêmement riche. Lissouano, bonjour. Bonjour. Dans le monde qui nous intéresse, alors il y a nomades. Aujourd'hui, on voit encore gens du voyage sur les panneaux quand on est sur la route. Et puis, nous connaissons tous ces mots, les Romains, Michel, il y a alors les Tziganes, les Gitans. Comment peut-on approcher cette population? Quel mot utiliser? Alors, très, très bonne question. L'une des singularités de la France, qui est d'ailleurs peu mise en avant quand on parle de ce pays, est en fait sa très grande diversité de groupes, de collectifs, romani et voyageurs. Et cette richesse est gommée, il me semble, par l'usage d'une catégorie d'État aujourd'hui, qui est celle de gens du voyage. Donc en France, au XXe siècle et au XXIe siècle, vous trouvez des Roms, des Sinti, des Manouches, des Gitans, c'est-à-dire des groupes qui sont dits romani et qui ont une très lointaine origine commune. Il y a également des voyageurs, des yéniches, des fêtiers, des circassiens, des forains qui sont majoritairement autochtones des pays d'Europe de l'Ouest et qui ont pris la route pour des raisons souvent en lien avec leur métier. Et évidemment, la frontière entre ces différents groupes est poreuse et il y a de très nombreuses alliances. Et puis, il y a des points communs. Et ce point commun, c'est ce qu'on appelle le nomadisme. Pour être bien clair sur cette définition, nomade, il y a cette notion de déplacement, de ne pas avoir un domicile fixe, en fait. C'est ça, dans notre imaginaire, Ilsen Abboud. Comment est lu l'appartenance à une population nomade? Peut-on être, et la question est perverse, sédentaire et considéré comme nomade parce que l'on est gitan? Alors, enfin, l'analyse historique que l'on fait de la loi de 1912, c'est de considérer que cette catégorie de nomade et donc ce terme sont artificiels. C'est-à-dire qu'ils désignent indûment un groupe de population marqué par sa diversité. Donc, si l'on se limite aux critères de la mobilité, en réalité, les personnes qui sont intégrées dans cette loi pratiquent la mobilité, mais de différentes façons, de manière intermittente, en ayant un domicile, parfois une maison, un terrain où l'on passe les mois d'hiver. Il y a aussi dans cet ensemble extrêmement divers des populations qui ne voyagent mais dans un espace extrêmement limité, entre quelques communes, dans un même département. Alors, dans quelques cas, il y a des grands voyages à l'échelle de la France. Mais la catégorie nomade va créer une mythologie autour de ce terme. Une mythologie qui s'appuie d'ailleurs sur une ancienne mythologie des fantasmes née dans la littérature, Lissouano. Oui, pour illustrer les propos de mon collègue, j'aimerais dire que dans le camp de concentration de Ravensbrück, Germaine Thion, la résistante et ethnologue, rencontre une femme qu'elle décrit comme étant une vieille tzigane française. Et cette vieille tzigane française lui raconte son histoire et lui explique qu'elle a été déportée en tant que nomade, alors même que elle est propriétaire d'un appartement dans Paris et ne voyage que 2 mois dans l'année pour des fêtes. Oui, parce que là, il y a une situation terrible qui, eh bien, nous fait comprendre en quoi la persécution existe bien avant la Seconde Guerre mondiale. Cette loi de 1912, pour les hommes, les femmes qui en sont victimes, je le dis, a une incidence sur le quotidien. Ilsen Abboud, c'est quoi leur quotidien? On doit sans cesse prouver qui l'on est, c'est complexe. Alors, pour répondre à votre question, tout d'abord, il faut dire que la loi de 1912, en fait, a un sous-texte. Le sous-texte, c'est que cette population illégitime, située sur le territoire français, voit se présenter à elle deux solutions, enfin, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'expulsion permanente, le refoulement, la sortie du territoire national. Et de l'autre côté, c'est l'assimilation, se convertir en quelque sorte à l'esprit national. Mais ces deux solutions sont inapplicables. D'abord parce que la plupart des nomades sont français, des conscrits, disons accomplissent leurs devoirs militaires. Et puis de l'autre côté, l'assimilation est impossible parce que c'est une composante culturelle très riche et aucune population ne parvient à se convertir totalement à l'esprit national. Donc ce qui va se se crée à l'intérieur de ce prisme, c'est un harcèlement policier constant, puisque la loi de 1912 prévoyait que toutes les personnes reconnues comme nomades devaient porter un carnet anthropométrique, c'est-à-dire un livret individuel et collectif pour les familles, qui imposait le relevé des mensurations et la prise de photographie, ainsi que la prise des empreintes digitales, c'est-à-dire tout l'appareil créé notamment à la préfecture de police de Paris à la fin du 19e siècle autour de Bertillon. Donc ces méthodes vont être appliquées à toute cette population, des milliers et des milliers de personnes. Mais la chose la plus importante à souligner concernant ce carnet, c'est que il est obligatoire pour toutes les personnes au-dessus de 13 ans. Et finalement, à la majorité, une personne qui a été inscrite sur le carnet collectif de sa famille avant 13 ans devient un nomade. C'est donc une transmission généalogique et une impossibilité pour ces personnes de sortir de ce cadre administratif extrêmement lourd qui prévoit notamment, et c'est la principale épaisseur de ce carnet que l'on trouve dans les archives, ce sont des pages vierges découpées en colonnes à gauche. La commune d'arrivée, à droite la commune de départ. Et à l'arrivée et au départ de chaque commune, ce carnet devait être tamponné, ce qui imposait une rencontre permanente avec les autorités municipales, policières et militaires, puisque les gendarmes contrôlaient ces carnets. Ces contraintes mises en place dès 1912, eh bien, sont celles qui se retrouvent à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lise Foineau, avec Valentin Merlin, vous avez écrit « Les nomades face à la guerre », 1939-1946. 1939, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les populations nomades sont déjà fichées, surveillées, elles sont regardées avec énormément de méfiance, avant même le début de la guerre. Tout à fait. Avant même le début de la guerre, le gouvernement en place va prendre des mesures qui vont viser à interdire la circulation des nomades et les assigner à résidence parce que ces derniers constitueraient un danger pour la nation. Ils seraient en fait des espions potentiels. C'est du moins ce prétexte militaire qui est présenté par le gouvernement d'Albert Lebrun. Oui, parce que j'ai lu en tout début d'émission ce décret du 6 avril 1940, c'est Albert Lebrun qui est président de la République, et qui impose deux nouvelles contraintes aux nomades, ces contraintes que l'on retrouve dans le film Liberté de Tony Gatliff. Les Parisiens, ils sont revenus ! Il y a les Parisiens ! Le président de la République française décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre, sous peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Pourquoi tu nous suis ? Je suis tout seul. Il faut que tu la parles chez les tiens. Vous courez un grand danger si vous continuez à parcourir les routes. C'est la guerre. C'est votre guerre. Nous, on n'a jamais fait la guerre. Pourquoi tu nous enfermes comme des chiens ? Pour débarrasser la France de sa vermine. Si ma terre avec cette ruine peut sauver toute une famille, faut pas hésiter. Tu sais que tu vas avoir tout le village contre toi ? Pourquoi tu fais ça, Théodore ? Pour faire quelque chose. Juste quelque chose. Théodore Rosier est Marc Lavoine dans le film de Tony Gatliff, Liberté, en 2009. Il s'en about. Quand il s'agit de réfléchir à la persécution des nomades, pour reprendre le mot alors utilisé au XXe siècle, il faut complètement sortir du cadre de la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous l'entendons bien, évocation de la Seconde Guerre mondiale, mais le décret du 6 avril 40, c'est pendant la guerre, mais c'est avant l'occupation. Et puis, dans tous les pays d'Europe, parce qu'il faut aussi comparer, il y a déjà des persécutions dès les années 30. En fait... La question de Zigane aboutit à des solutions politiques qui vont être mises en place dès l'entre-deux-guerres. Évidemment, dans l'Allemagne nazie, dès 1933, des mesures spécifiques vont être mises en place pour provoquer l'assignation à résidence, hein, le même genre de décret que l'on retrouve en France en 1939 et en 1940, qui prévoit aussi l'internement, hein, qui va se développer dans toutes les villes allemandes et dans toutes les régions allemandes, ainsi que dans les pays annexés, l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. Donc on a une mise en place d'une politique anti-Tzigane très ferme qui va être la première étape d'une persécution généralisée à l'Europe entière. Et pour ces persécutions, il y a plein de possibles, vous l'avez dit, la résidence, et c'est déjà en soi une forme de persécution, Lissouano. Oui, tout à fait, j'aimerais revenir sur ce décret du 6 avril 1940 préciser que, en fait, l'instruction de ce décret laisse libre les préfets de décider comment appliquer cette assignation à résidence. Donc, les préfets peuvent décider soit le regroupement de tous les nomades du département dans un ou deux lieux sans surveillance, sous surveillance bien sûr de la gendarmerie, comme par exemple à la Chassagne, dans le département de la Creuse, ou alors la répartition sur l'ensemble du territoire de petits groupes de nomades, souvent une ou deux familles nucléaires par commune, comme par exemple dans le Puy-de-Dôme compta le plus d'assignés à résidence, 600 personnes à certains moments. Et vous devinez que la première possibilité, c'est-à-dire le regroupement de tous les nomades dans un seul lieu, se transforma bien souvent, et parfois avant même l'arrivée des Allemands, en un camp d'internement. Oui, c'est ça. Le camp est là, en fait. On regroupe les gens. Il y a beaucoup de ces camps, parce que au moment d'étudier les nomades face à la guerre, Lissouano, la question du nombre se pose. Est-ce que c'est un phénomène massif? C'est très difficile à savoir. Et est-ce que cela couvre tout le territoire? Cela couvre tout le territoire. Tous les départements sont concernés par le décret du 6 avril 1940. Vous trouvez des personnes catégorisées comme nomades assignées dans tous les départements français. Et très concrètement, ces assignés à résidence avaient interdiction de sortir du périmètre de la commune, y compris pour se ravitailler et pour travailler. Donc comme la plupart des personnes qui étaient nomades administrativement l'étaient parce qu'ils pratiquaient une activité itinérante, comme par exemple la vente de mercerie, l'étamage, la chaudronnerie, il leur devint rapidement impossible de travailler et donc d'avoir les moyens nécessaires pour faire vivre leur famille. Et rien ne fut organisé pour ravitailler les nomades qui étaient privés de leurs ressources. Et ça, le décret le précise, que aucune aide ne sera apportée de la part des autorités locales ou préfectorales aux nomades assignés à résidence. Donc, que s'est-il passé? Très concrètement, les personnes assignées à résidence, souvent des familles très nombreuses, furent rapidement affamées et contraintes de demander la charité ou parfois de se tourner vers des moyens non légaux pour nourrir leur famille. C'est extrêmement pervers, en fait, d'obliger des gens qui ont une activité qui nécessite l'itinérance à rester. Donc on les prive de bien, mais à un moment dans la vie, faut manger. Et dans cette volonté de rendre sédentaire, mais pour un certain moment, ces populations nomades, il y a les camps. Et puis, il y a dans les villages une ou deux familles qui vont être mises. Mais c'est aussi très dur, c'est une réception qui doit être extrêmement difficile. Il s'en aboutit, quand on voit arriver, on dit, voilà, dans cette maison, il y aura une famille de nomades et elle ne pourra pas travailler, elle a besoin de manger. Voilà, le travail de Lise a mis en évidence l'hostilité des populations riveraines de ces installations de nomades. Donc les personnes qui sont assignées à résidence souffrent aussi de cette proximité et ne parviennent pas à s'approvisionner. Les conflits se génèrent des infractions qui génèrent des condamnations. Hein, et Elise a bien montré que les personnes réfractaires à cette assignation à résidence sont menacées et parfois internées dans les camps d'internement qui se mettent en place après octobre 40. C'est bien que le camp d'internement et ce réseau de camps qui a été bien étudié, qui comportait plus d'une quarantaine de camps, est en fait une version répressive d'un système beaucoup plus général qui concerne, alors vous posiez la question des chiffres, donc On n'a pas d'estimation sur le nombre de personnes assignées à résidence. Lise aboutit à l'estimation d'environ 20 000 personnes, auxquelles s'ajoutent entre 7 000 et 10 000 personnes concernées par l'internement. Donc ça concerne une grande population dont on n'a pas encore les listes et le nombre précis. Hein. Faut dire, en 2022, nous ne connaissons pas le nom de tous les internés qui ont passé parfois plus de 5 ans de leur vie dans des camps. Et nous n'avons pas non plus, si je peux me permettre, la liste de tous les camps d'internement et des lieux d'assignation à résidence. Vous avez travaillé comment, Lise Soineau ? La question des archives se pose, nous ne l'avons pas. Les archives ont laissé beaucoup de traces de ces camps ? Les archives ont laissé beaucoup de traces de ces camps et de ces assignations à résidence, notamment par l'intermédiaire de la loi de 1912. Comme on l'expliquait au début de cette émission, toute personne qui était nomade administrativement avait un dossier dans chaque préfecture, qui était ensuite transmis au ministère de l'Intérieur. Et donc, chacune de ces personnes avait un dossier très conséquent où il y avait des photographies, des informations sur ses déplacements, etc. Donc, pendant la guerre, ce fichage continue. Et toute la correspondance qui concerne l'assignation à résidence est conservée dans ces dossiers individuels. Oui, c'est pratique, hein, parce que depuis 1912, il y a cette politique, c'est-à-dire qu'au moment de mettre en place une politique encore plus répressive, mais tout est là, en fait, il n'y a qu'à se servir. Tout est là, vous voulez dire, dans les archives ? Dans les archives, non, mais je veux dire, pour les policiers, les gendarmes en 1940, c'est bon, ils ont les fichiers, ils ont les carnets anthropométriques. Bien sûr, il existait un fichier en préfecture et un fichier national centralisé auprès du ministère de l'Intérieur. Les vérifications étaient opérées chaque jour dans ce fichier central qui permettait de stabiliser la situation des individus et de provoquer des enquêtes d'identification, de reconnaissance des individus. D'ailleurs, c'est pour ça que les individus connaissant l'épaisseur de ce système bureaucratique élaborent des stratégies pour échapper à cette identification utilisant des faux noms, utilisant des fausses dates de naissance pour brouiller les pistes. Donc ça, c'est une pratique qui s'est mise en place dès les années 20 et que l'on rencontre dans les archives. Mais pour revenir à votre question sur l'existence des archives liées à la persécution en France, il faut vraiment souligner quelque chose de très important, c'est que on va revenir sans doute sur la sortie de guerre. Mais la loi de 1912 reste appliquée jusqu'en 1969. Si bien que les dossiers concernant la loi de 1912 et son application vont parfois être intégrés dans des dossiers d'archives qui couvrent les années 30 jusqu'aux années 50, empêchant ainsi la consultation de ces dossiers en dessous de la limite de 50 ou 70 ans selon les cas. Donc c'est ce qui a empêché l'accès libre à toutes ces archives. C'est pour ça que lorsque Marie-Christine Hubert réalise son premier travail d'ampleur sur cette question dans les années 90, elle ne peut pas accéder alors à toutes les archives qui aujourd'hui sont disponibles, mais il faut le dire, pas en totalité. Lise Soineau, effectivement, pas en totalité. Il y a des archives. Alors, c'est très intéressant de lire Les Nomades face à la guerre parce qu'on voit énormément d'indices. Alors, tout n'est pas dit directement, mais l'on comprend dans les archives qu'il est question sans cesse de ces nomades. Oui, tout à fait. Et j'aimerais ajouter que à partir du décret du 6 avril 1940, la loi de 1912 continue donc d'être appliquée, on l'a bien compris, c'est-à-dire qu'on va arrêter des personnes qui sont nomades administrativement. Mais il faut aussi préciser, et c'est ce que notre recherche avec Valentin Merlin a montré, et que on fait rentrer dans la catégorie nomade à partir de 1940 des personnes qui ne l'étaient pas auparavant et qu'on souhaite à qui on souhaite appliquer les mesures de privation de liberté. Je donne un exemple. Par exemple, dans la région parisienne, il y avait de nombreux Roms qui étaient sédentaires. Par exemple, la famille de l'écrivain Matteo Maximoff et qui, au moment de la déclaration de guerre, vont prendre la route, vont fuir Paris. Et toutes ces personnes qui étaient donc sédentaires vont être classées et catégorisées comme nomades pour ensuite que les préfets puissent les interner et les assigner à résidence. Donc on fait rentrer des personnes nouvelles dans cette catégorie qui n'étaient pas avant nomades parce qu'ils ne pratiquaient pas d'activité itinérante. Et dans votre démarche, bien sûr, il y a les archives parce qu'à la base de l'histoire, il y a le document et l'archive, mais il y a aussi la recherche de témoignages. On a été mis dans les camps de concentration. La municipalité, préfectorale, ministérielle, tout ce qu'on veut. Oh, on a fait beaucoup de choses pour vous, on s'occupe, on fait ci. Oui, mais d'accord, allez, c'est bien, c'est gentil, pas de problème. Mais je pense que vous pouvez voyager un peu, puis vous le verrez, et puis vous le voyez. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils nous ont remis dans des camps, mais payants cette fois-ci. Alors là, c'est un témoignage, Michel Lagrenet, un témoignage que vous avez recueilli, Lissouano, avec Valentin Merlin. La mémoire de toute cette histoire passe aussi par la parole. Est-elle transmise facilement? Est-il difficile de retrouver ces témoignages? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, je pense, c'est que l'historiographie jusqu'à présent, qui traite des persécutions des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sait pas ou très peu appuyé sur la collecte de témoignages et sur le témoignage des premiers concernés. C'est-à-dire que l'histoire qui a été écrite jusqu'à présent est une histoire exclusivement administrative du point de vue de l'État. Donc il était important, il était même capital, 75 ans après les faits, de partir à la recherche des derniers témoins de ces persécutions et d'enregistrer leurs témoignages. Parce que cette histoire a été transmise de génération en génération, est encore racontée aujourd'hui aux petits-enfants des internés, des assignés à résidence. Donc il y a bien sûr une transmission très vivante de cette histoire, mais par contre qui n'avait pas traversé jusqu'à présent la barrière du champ académique. Oui, bah, vous l'avez dit, hein, Ilsen About, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous avez notamment contribué à la nouvelle histoire de la Shoah, publiée chez Passé Composé, vous avez travaillé sur le génocide et les persécutions des Roms et Sinti en Europe 1933, vous l'avez dit, hein, dès l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, à 1946, et nous reviendrons sur cette date tardive. Il y a une histoire complexe à écrire, hein, qui apparaît très tard parce que les sources étaient difficiles et puis parce que cette histoire était restée, comme vous nous l'avez dit, liée à une vision des nomades qui a perduré jusqu'aux années 60. Cette loi de 1912, quand vous nous dites qu'elle a duré si longtemps, c'est impressionnant. Oui, alors, l'oblitération de l'histoire des persécutions ne concerne pas seulement la France. Il faut savoir que la première monographie qui évoque le génocide des Roms et des Sinti en Europe date de 1980, c'est-à-dire 20 ans après la publication du livre de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe. Et ce retard ne sera jamais comblé. Alors malgré des initiatives nombreuses, locales, de chercheurs, de militants, d'artistes parfois, qui vont aller à la rencontre des témoins existants. Je pense à des collectes en Tchécoslovaquie, je pense à des collectes en Allemagne. Sans ce travail-là, on n'aurait même pas ces fragments de témoignages. Mais il faut savoir que la plupart des témoins n'ont pas raconté, n'ont jamais raconté. Et c'est pour ça que c'est tellement urgent de collecter tous les fragments de mémoire dont nous disposons, parce que beaucoup a été perdu irrémédiablement. Par ailleurs, il y a le poids des discriminations qui existe ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, encore plus dans le bloc de l'Est, pour d'autres raisons qu'on pourra évoquer. Mais cette oblitération touche l'existence même d'un génocide des Roms et des Sinti. C'est-à-dire que il y a une forme de d'oubli collectif et de délégitimation de cette histoire. Il va falloir le travail d'historiens, de personnes très engagées dans la mémoire pour faire advenir cette histoire. Donc il faut savoir que le premier livre en France publié sur cette question est celle d'un instituteur, Jacques Sigaud, qui va aller rencontrer des familles autour du camp de Montreuil-Bellay, dans la région d'Angers, pour écrire cette première histoire. Qui n'est publié qu'au milieu des années 80. Et puis vous avez utilisé ce mot, génocide. Il y a un génocide. Nous avons parlé de l'obligation de résidence, des camps pour ces nomades. Il y a déportation aussi. Alors à l'échelle de l'Europe, Bien sûr, il y a des déportations. Plusieurs dizaines de milliers de Roms et Sinti à l'intérieur du Reich vont être ghettoisés à partir de mai 1940, puis à partir d'un décret de décembre 42, déportés vers le camp d'Auschwitz. Cette mesure va s'appliquer à d'autres pays satellites comme les Pays-Bas, la Belgique la Pologne et d'autres pays d'Europe. En fait, pour bien comprendre le tableau général, il faut aussi avoir en tête que ce génocide est polycentré. C'est-à-dire que il y a des persécutions opérées à l'intérieur du Reich, mais les persécutions sont aussi gérées par des pays satellites sans l'influence de l'Allemagne nazie. C'est le cas, par exemple, en Croatie, c'est le cas en Roumanie, et à un certain titre, c'est le cas en France, puisque l'essentiel des persécutions vont être opérées par les autorités françaises. Lise Foineau, les nomades de France sont-ils déportés ? Il y en a, évidemment, vous ne l'avez dit. Y a-t-il, la volonté, soit du gouvernement, ou de la police et de la gendarmerie, de livrer aux Allemands des nomades ? Oui, bien sûr, des nomades sont déportés selon des modalités très différentes en fonction de l'endroit où ils sont assignés à résidence. On peut citer un livre publié par Monique Hebdo en 2018 qui porte sur le convoi Z, donc un convoi qui est parti du nord de la France et qui a déporté 300 personnes, vers Auschwitz. Il y a eu aussi des déportations individuelles, c'est-à-dire des personnes qui étaient réfractaires à la législation anti-nomade et qui, de façon répressive, ont été déportées comme, par exemple, prisonniers politiques. Je voudrais vous faire écouter un témoignage, alors glaçant, mais vraiment glaçant. Ce sont les propos de Hans Munch, c'est un médecin nazi au camp d'Auschwitz. C'est un témoignage qui a été diffusé dans l'émission Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. On a tout simplement, tout d'abord, porté les tziganes au nu et loué leur qualité et leurs dons qu'ils avaient sur le plan musical. Et qui, en partie, se vérifiait. Mais d'un autre côté, on a toujours pu constater que, d'un point de vue moral, c'était des misérables minables. À Auschwitz, c'était tout simplement... Tout simplement, de haut en bas, on les a tous envoyés au gaz. C'était la seule solution. Tous sont allés au gaz, sans exception. Il y avait parmi eux des gens extrêmement qualifiés, qui pendant la guerre avaient été officiers. Mais tous ont été envoyés au gaz. Même ceux qui avaient été considérés comme personnages particulièrement importants. Mais tout simplement, du point de vue de la discipline, il n'y avait pas d'autre possibilité à Auschwitz. Ni remords, ni regrets dans ce témoignage d'un médecin nazi à Auschwitz. Ilsen Abboud, connaît-on l'ampleur de ce génocide lié? Alors, les mots sont toujours compliqués. Je prends le mot tzigane pour couvrir l'ensemble de ces nomades tels qu'ils étaient appelés en France. Alors, ce témoignage que vous avez passé fait référence donc à ce camp des tziganes à Auschwitz, créé au début de 43 et qui sera liquidé à l'été 44. Ça va servir de camp de transit, puisque les milliers de personnes qui arrivent dans ce camp sont ensuite envoyées vers des commandos de travail, et la liquidation dont j'ai parlé concerne 3000 personnes qui seront assassinées en août 44, à la suite d'ailleurs d'une insurrection qui a lieu à ce moment-là dans le camp. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres exterminations par le gaz dans les autres centres de mise à mort, comme à Treblinka et à Chełmno. c'est dans le cadre de l'opération Reinhardt, déjà des exterminations ont lieu. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de l'opération génocidaire qui a lieu. Il y a presque autant de morts à Auschwitz que dans un autre camp en Croatie, à Jasenovac. Il y a des milliers de personnes qui sont assassinées dans les déportations en Transnistrie, donc c'est-à-dire en Ukraine, sous l'autorité roumaine. Des milliers de personnes vont décéder également dans les massacres des Einsatzgruppen à l'est de l'Europe. Et les déportations vers des camps d'internement, de concentration, vont avoir lieu dans tout le reste des pays de l'Europe en guerre. Quelle est la réaction, Lise Foineau, en France? Parce que il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte pour ces populations. Eh bien, par exemple, il y a le service du travail obligatoire qui est instauré. Alors, faut-il travailler? On sait que pour beaucoup de jeunes, ça a été l'occasion de partir. Est-ce que c'est le cas aussi avec les populations qui nous intéressent? Oui, tout à fait. Donc, pour parler en fait des résistances finalement des collectifs romani et voyageurs aux persécutions dont ils ont fait l'objet, il faut dire que ces personnes résistaient déjà depuis 1912 et avaient mis en place des stratégies de contournement et de subversion. Donc, les résistances à la législation antinomade entre 39 et 46 se sont appuyées sur des pratiques de défense et des réseaux qui étaient déjà en place. Alors, cependant, en raison du changement des natures de ces persécutions, ces résistances ont dû s'adapter et une nouvelle organisation est née. Donc l'une, pour vous donner un exemple, l'une des résistances les plus employées au début de la guerre en France était de dissimuler son statut de nomade. Donc de nombreuses personnes ont, pour ce faire, acheté des terrains, des maisons, et parfois ont même brûlé leurs roulottes pour disparaître. D'autres ont pris le maquis, si je puis dire, avant même l'existence des maquis. C'est-à-dire qu'ils vivaient cachés dans les bois ou dans les forêts, la roulotte, par exemple, recouverte de feuilles et les vitres peintes en noir, comme on a pu nous le raconter de nombreuses fois. D'autres, encore, se spécialisaient dans la création de faux papiers. Et puis, à partir du moment où il y a eu des camps d'internement, donc très tôt, comme on l'a dit tout à l'heure, dès 1939, il y a eu des évadés de ces camps. Ce qui me permet de dire que les nomades sont la catégorie d'internés des camps en France qui se sont le plus évadés. On peut citer le chiffre donné par Alexandre Doulu dans une étude sur le camp de Rivesaltes à côté de Perpignan, où il explique que 66% des internés nomades du camp de Rivesaltes s'évadèrent au moins une fois. Ouais, parce qu'il y a effectivement cette résistance que vous évoquez dans Les Nomades face à la guerre. Illustration avec La Croisée des chemins. Lentement mais sûrement, les Roms s'engageaient dans toutes sortes de pratiques illicites. En particulier le trafic de fugitifs et de marchandises rationnées. Si bien que tôt ou tard, ils devaient se trouver impliqués dans le transport d'explosifs et d'armes de petit calibre. À l'époque, beaucoup d'hommes qui vivaient dans la clandestinité, soit pour leur sécurité personnelle, soit parce qu'ils étaient résistants, ne pouvaient obtenir de carte d'alimentation, et encore moins se ravitailler dans les magasins autorisés. Restait le marché noir, ce qui fit glisser ce type d'opération dans une zone grise, à mi-chemin entre la criminalité et les actions subversives anti-allemandes. Un extrait de La Croisée des chemins, La guerre secrète des Tziganes 1940-1944, c'est un ouvrage de Yann Yours, c'est une lecture d'Olivier Martineau dans Le cours de l'histoire. Lise Foineau, cette mémoire de la résistance, est-elle transmise à tous ceux, toutes celles avec qui vous avez pu échanger? Eh bien, avez-vous posé la question de la résistance, de l'engagement? Que vous ont-ils répondu? Bien sûr, c'est cette question de résistance qui a été le fil conducteur de notre enquête. Et à chaque fois que nous avons rencontré des témoins, même si leurs ancêtres n'avaient pas forcément été résistants, n'avaient pas fait partie, par exemple, d'un réseau, il y avait toujours des pratiques de résistance. Donc, les nomades assignés à résidence et les nomades internés avaient leur propre système de contournement de la législation antinomade, ce qui les poussait bien évidemment à vivre clandestinement d'une façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez similaire à celle des jeunes hommes réfractaires au service du travail obligatoire. Et d'ailleurs, les hommes nomades furent aussi appelés au STO et les archives montrent qu'ils refusèrent massivement de partir. Par exemple, dans la Creuse, en 1943, sur 15 hommes nomades qui furent requis au STO, 10 disparurent et 5 se firent réformer. Donc les résistances furent bien évidemment multiples et je pense qu'il est important aussi de parler des résistances au sein des camps d'internement, parce que oui, les camps d'internement ont été étudiés par l'historiographie, mais mais les résistances un peu moins. Donc j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé en juillet 1941 dans le camp de Choisel, donc qui est aussi parfois appelé le camp de Châteaubriand en Loire-Atlantique. Il y a eu un début d'insurrection qui a été mené par une jeune femme de 20 ans, Angèle Ziegler, qui refusa publiquement les conditions dans lesquelles elle était tenue de vivre avec son nourrisson. Hein, elle venait d'accoucher. Donc elle faisait la queue ce jour-là pour obtenir une ration de sucre et elle s'en prit au gardien par ces termes que je vais vous citer parce qu'ils sont consignés dans un procès-verbal. Elle leur dit « Vous avez le sang pourri, tas de vaches, nous ferons une révolution dans le camp et je m'en fous d'attraper 10 ans de bagne. » Donc suite à ces paroles, il y a eu un grand mouvement de foule dans le camp et Angèle Ziegler et d'autres furent jetés dans la prison du camp de Choisel. Ils furent pour certains torturés, notamment Angèle Ziegler, et avouèrent qu'une insurrection était en préparation. Et en effet, il y eut après cela une fouille dans le camp et de nombreuses armes furent retrouvées. Vous êtes anthropologue, Lise Foineau, chargée de recherche au CNRS. Dans votre démarche, nous l'entendons bien, il y a le regard sur l'archive, il y a le témoignage, et ben, évidemment, dans la logique, est-ce que tout cela se recoupe? Vous trouvez des échos dans les archives de ce qu'ont pu vous raconter ceux et celles que vous avez été rencontrés? Bien sûr, et c'est justement... C'est justement ce qui fait ce qui rend ce travail passionnant, c'est d'entendre un témoignage et ensuite d'aller dans les archives et de se rendre compte que toutes les histoires qu'on a entendues prennent corps dans des documents administratifs. Sauf que là, les histoires ne sont pas du tout racontées, évidemment, de la même façon. Et c'est pour ça qu'il me semble très important de mettre en rapport l'archive judiciaire, policière, avec le témoignage direct des personnes qui ont subi ces persécutions et qui y ont résisté. Et témoignage précieux parce que effectivement le temps passe. Tout ça, c'est une histoire de temps. Et dans ce que vous nous racontez, mais notamment au moment de la résistance, il y a des pratiques qui existaient avant même la guerre parce que les persécutions étaient déjà là. Ilsène About, ces persécutions sont présentes encore après la guerre, au moment de réfléchir au génocide, aux persécutions des Roms, 1946, c'est une date après la guerre, ce n'est pas fini. Ah non, ce n'est pas terminé parce que en France, la loi de 1912 reste appliquée, mais sur la sortie de guerre, il faut aussi dire que, en réalité, l'assignation à résidence reste active jusqu'à juin 46. Et les camps d'internement, pour certains, restent en activité jusqu'à cette date également, jusqu'à la cessation officielle des hostilités. Et les personnes assignées ou internées demandent l'autorisation d'être libérées aux autorités. Il faut savoir, donc, comme Lise l'a étudié, que des FFI deviennent des gardiens de camps de nomades après la guerre. Donc c'est d'ailleurs cette transition, hein, ce refus du gouvernement provisoire finalement d'assumer la fin de persécution contre cette catégorie de population qui va empêcher de regarder cette histoire de manière frontale. Et c'est ces silences imposés dès 45 et 46 qui vont empêcher de regarder cette histoire pendant des décennies. Dans Les Nomades face à la guerre, hein, votre livre Lise Foineau avec Valentin Merlin, il y a des pages qui font froid dans le dos. Nous sommes après la libération. Nous sommes au moment de la libération. Et là, nous découvrons des exécutions sommaires de ces gens nomades qui sont accusés de tout. Dans cette longue tradition de voleurs de poules, on les a mis là, ils n'avaient rien pour subsister. Ils avaient peut-être pris quelque chose, mais jusqu'à la collaboration avec des fantasmes disant qu'ils étaient allemands parlant des langues un peu bizarres. Oui, ça c'est une découverte, mais qui n'est pas du tout en fait une découverte pour les personnes qui vivent au sein du monde du voyage français. Au moment de la libération, dans de nombreuses villes françaises, des nomades assignés à résidence vont être traînés par des habitants des villes et par parfois des FFI, vont être arrêtés, promenés à travers la ville dans un camion, avant parfois d'être exécuté, comme ce fut le cas d'une famille dans le cimetière d'Issoire, le jour de la libération de cette ville. Oui, parce que nous avons ici un phénomène qui est très complexe. Vous venez de parler de famille, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur une personne particulière qui est visée. On le lit sur les témoignages, on tue le père et la fille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une stigmatisation qui continue. C'est cette longue histoire, il s'en aboute, dans laquelle il faut replacer les phénomènes génocidaires de la guerre. C'est pour cela que le génocide en tant que tel, ce génocide oublié, est intéressant, mais replacer ce génocide dans une histoire plus longue, donc c'est encore plus pertinent. Alors oui, dans le contexte aussi des violences de masse et des violences de guerre. Il faut juste préciser que ces violences exercées par des groupes résistants contre des Roms et des Sinti en Europe a lieu en dehors de la France, en Slovénie, un massacre qui concerne plusieurs centaines de personnes, ainsi qu'en Pologne. C'est des phénomènes qu'on trouve ailleurs, sans parler des multiples autres violences dont les Roms et Sinti sont victimes durant le conflit, notamment des violences sexuelles. Lissouano ? Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur la question de la continuité et de la transmission, finalement, de cette histoire, j'aimerais citer l'un des témoin que j'ai rencontré plusieurs fois, qui s'appelle Marius Lucie, et qui m'a dit que quand les persécutions se succèdent, il est difficile de se pencher sur celle qui vient de se terminer. Et pour beaucoup de voyageurs, pour beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui classées par l'État comme gens du voyage, la situation qu'ils subissent s'inscrit de fait dans la continuité des persécutions de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont enfermés dans un statut, celui de gens du voyage, qui a remplacé celui de nomade en 1969, qui est donc pleinement l'héritier de cette catégorie. Et de fait, il n'y a jamais eu de rupture franche, ni de remise en question du dispositif dans lequel sont pris les gens du voyage. Et ce dont, si je peux me permettre, la société majoritaire n'a pas conscience, c'est que lorsqu'on est catégorisé aujourd'hui comme gens du voyage, et que l'on vit en caravane et que l'on n'est pas propriétaire d'un terrain, on est de fait soumis à une certaine forme d'assignation à résidence. Les seuls endroits où les gens du voyage ont le droit de stationner sont les aires d'accueil, qui sont souvent situées dans un environnement hostile, voire dangereux. Et lorsqu'on habite sur une aire d'accueil, les habitants sont soumis à une forme de constante surveillance également. Je vous garantis que les auditeurs, les auditrices du cours de l'histoire, maintenant quand sur la route verront un panneau gens du voyage avec une direction, il y aura toute une histoire qui s'inscrira depuis 1912 et même avant, cette histoire des nomades. Merci beaucoup à tous les deux, Ilsen, About, et je rappelle votre participation à notre cette nouvelle histoire de la Shoah, ou encore Présence Zigane, un livre que vous avez co-dirigé. Et merci Lissouano avec Valentin Merlin, Les Nomades face à la guerre. Merci à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel dans le cours de l'histoire. C'est le pourquoi du comment. Vous souvenez-vous du bulldozer de Vitry? Le 21 décembre 1980, 320 migrants maliens qui étaient logés dans un foyer de Saint-Maur-des-Fossés, furent déplacés vers le foyer manouchian à Vitry-sur-Seine. Paul Mercieca, le maire communiste de la ville, protesta contre cette décision en dénonçant une politique qui visait à concentrer les foyers d'immigrés dans des communes de gauche. Quatre d'entre eux avaient été ouverts à Champigny-sur-Marne, trois à Vitry-sur-Seine, mais aucun à Charenton-le-Pont ni à Nogent-sur-Marne. Le 24 décembre, le maire, accompagné de plusieurs dizaines d'habitants, pénétra dans le foyer manouchian. Les alimentations en eau,